Embrasse Lisbeth, mon ange, dit Wenceslas à sa femme. Elle nous tirera d'embarras en nous prêtant ses économies. Et il fit un signe à Lisbeth, que Lisbeth comprit. J'espère alors que tu travailleras, mon chérubin, dit Hortense. Ah, répondit l'artiste, dès demain. C'est ce demain qui nous ruine, dit Hortense en lui souriant. Ah, ma chère enfant, dis-toi-même si chaque jour il ne s'est pas rencontré des empêchements, des obstacles, des affaires. Oui, tu as raison, mon amour. J'ai là, reprit Steinbock en se frappant le front, des idées. Oh, mais je veux étonner tous mes ennemis. Je veux faire un service de table dans le genre allemand du XVIe siècle, le genre rêveur. Je tortillerai des feuilles pleines d'insectes, j'y coucherai des enfants, j'y mêlerai des chimères nouvelles, de vraies chimères, les corps de nos rêves. Je les tiens. Ce sera fouillé, léger et touffu tout à la fois. Chanor est sorti tout émerveillé. J'avais besoin d'être encouragé, car le dernier article fait sur le monument de Montcornet m'avait bien effondré. Pendant un moment de la journée où Lisbeth et Wenceslas furent seuls, l'artiste convint avec la vieille fille de venir le lendemain voir Madame Marneffe, car où sa femme le lui aurait permis, où il irait secrètement.